l'époque j'ai signé. Je ne peux plus renoncer. Désormais on m'a appelé, mais j'ai envie de t'aimer. Mais pourquoi j'ai signé cela? Répondez pourquoi. Moi je me sens mal. J'ai mal de partir. Oh, mal de partir. Oh, ça me fait peur et j'ai mal. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai mal de partir. Oh, j'ai mal.